Et on va essayer de lire quelques fatwas du Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, tiré de son livre Fatawa Arkan al-Islam. La question lui a été posée, comme nous le trouvons à la page 372. Qu'en est-il du fait de devancer l'imam dans la prière? Qu'en est-il du fait de devancer l'imam dans la prière? Le Cheikh a répondu que c'est là quelque chose d'interdit. Et il a fait mention du hadith dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ne craint-il pas celui qui relève sa tête avant son imam qu'Allah ne transforme sa tête en tête d'âne, ou ne le transforme et ne lui donne une apparence d'âne? Et il a également fait mention du hadith dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'imam n'a été placé que pour être suivi. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar, et ne dites pas Allahu Akbar avant qu'il ne l'ait dit. Et lorsqu'il s'incline, inclinez-vous, et ne vous inclinez pas avant qu'il ne se soit incliné. Puis le Cheikh d'expliquer que le fidèle est, par rapport à l'imam que le dirige, dans un des quatre cas de figure suivants: soit le devancement, soit l'accompagnement, soit le suivi, soit la dérogation. La première chose est interdite, à savoir le fait de devancer l'imam, comme nous l'avons vu précédemment. Et il faut savoir que si ce devancement a lieu concernant ce que l'on appelle takbirat al-ihram, à savoir le fait de dire Allahu Akbar au tout début de la prière afin d'y entrer, eh bien, la prière n'est pas valide, pour la simple et bonne raison que le fidèle n'est pas entré en prière, étant donné qu'il a devancé son imam dans le fait de dire Allahu Akbar. Quant à l'accompagnement, à savoir le fait d'accompagner l'imam dans ses mouvements, c'est là quelque chose qui est également interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous inclinez pas jusqu'à ce qu'il ne s'incline, c'est-à-dire l'imam. Bien que certains ulama ont dit qu'en vérité c'était uniquement détestable, dans le sens où ce n'est pas arrivé au degré de l'interdit formel, mais ça reste quelque chose de détestable à éviter, sauf concernant, encore une fois, takbirat al-ihram, le fait de dire Allahu Akbar au tout début de la prière. Car dans ce cas-là, si jamais le fidèle le dit en même temps que l'imam, sa prière n'est pas effective, dans le sens où il n'est pas compté comme étant entré en prière, étant donné qu'il a accompagné l'imam dans le fait de dire Allahu Akbar, alors qu'il aurait dû le suivre. D'ailleurs, le troisième cas de figure, c'est le suivi. Ce qui est voulu par le suivi, al-mutaba'a ici, c'est le suivi sans retard. Et c'est ce qui est légiféré, dans le sens où tu te dois de suivre ton imam. Tu ne dois ni le devancer, ni l'accompagner, mais tu dois le suivre sans tarder. Na'am, et c'est ce qui est légiféré dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième cas de figure, c'est la dérogation. C'est le fait que tu suives l'imam, mais que tu tardes à le faire. Tu tardes à suivre l'imam dans ses mouvements, dans la prière. Et c'est là quelque chose qui est contraire à ce qui est légiféré, comme l'a expliqué le Cheikh Ibn al-Uthaymin dans cette fatwa, rahimahullahu ta'ala. La question lui a également été posée, cette fois-ci à la page 380. Qu'en est-il obligatoire de prier en avion? Comment y accomplit-on la prière? Et comment cela se passe-t-il pour les prières supplémentaires, c'est-à-dire un nawafil? Et j'avais déjà expliquer qu'en fin de compte, il n'est pas correct de traduire un nawafil par les prières surérogatoires. Car le terme surérogatoire désigne quelque chose qui, en plus d'être supplémentaire, est sans valeur. Ce qui n'est pas le cas des nawafil. Les nawafil, bien que ce ne soient pas des actes qui sont obligatoires, occupent une place très importante dans la religion. À tel point que, comme nous allons le voir dans les hadiths recensés par Nawawi rahimahullah, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans ce qu'a rapporté de lui son messager sallallahu alayhi wa sallam, mon serviteur ne cherche à se rapprocher de moi avec une chose qui est plus aimée de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse d'accomplir des nawafil jusqu'à ce que je l'aime. Donc ça te montre la place qu'occupe un nawafil. Un nawafil, donc, on va dire que ce sont des actes supplémentaires, en plus que ce qui est obligatoire. Par exemple, concernant la prière, tu as 5 prières obligatoires. Naam, et tu as des prières qui sont des nawafil, qui sont supplémentaires et qui sont recommandées. Naam. Donc, la question lui a été posée, comment cela se passe-t-il pour les prières supplémentaires? Le shir a répondu, rahimahullahu ta'ala, en disant que la prière en avion devient obligatoire lorsque l'on entre dans la plage horaire de la prière, hormis le cas où on ne peut pas l'accomplir dans les dispositions habituelles, comme tu le ferais sur la terre ferme. Si c'est le cas, on ne priera dans l'avion que si l'on craint que l'avion n'atterrisse qu'après la fin de la plage horaire de la prière ou de la plage horaire de la prière qui suit, si elles font partie des prières pouvant être réunies. Quant à la manière d'accomplir la prière en avion, elle doit être faite de la manière suivante. Tu commences donc en étant debout, en direction de la Qibla. Et tu pries, naam, de manière habituelle. Si ce n'est que si tu n'as pas la possibilité de te prosterner, eh bien tu vas t'asseoir et tu te contenteras de baisser ta tête en guise de prosternation. Et tu continueras ta prière jusqu'à la fin de manière habituelle. Tout cela en restant en direction de la Qibla. Puis le shir a dit concernant la prière supplémentaire dans l'avion, elle est priée, elle peut être priée en étant assis, et la personne, elle se baissera légèrement en guise d'inclinaison et elle se baissera un peu plus en guise de prosternation. Et c'est ainsi que se termine, en résumé, la fatwa du Shir Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, qui a été rédigée le 22 du mois de Rabi al-Thani de l'an 1409 de l'Égypte. Ici, donc, c'était en résumé. Il est peut-être opportun d'ajouter une fatwa que j'ai entendue du Shir Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah. Qui disait que le personnel de l'avion est dans son droit de refuser qu'un passager prie dans les couloirs pour des raisons de sécurité. Ils sont dans leur droit. Et toi, donc, tu n'as pas à exiger cette chose-là ou à le faire de force si jamais ils te l'interdisent, car ils sont dans leur droit, car c'est pour des mesures de sécurité. Ça, donc, c'est un ajout à la lecture résumée de cette fatwa que j'ai jugé opportun d'ajouter ici. La question a également été posée au Cheikh Ibn al-Uthaymin, comme nous le trouvons à la page 405 du livre Fatawa Arkan al-Islam concernant la description authentique de ce qui a été rapporté de l'élu sallallahu alayhi wa sallam concernant le lavage du mort. Et le shir donc a répondu, toujours donc en résumé ici, que celui qui lave le mort doit commencer par laver son sexe. Puis il va le laver en procédant premièrement aux ablutions mineures, hormis le fait qu'il n'introduit pas d'eau dans son nez ni dans sa bouche, mais plutôt il va humidifier un morceau de tissu avec lequel il va laver la bouche et le nez du défunt. Quant au lavage du reste du corps, il se fait avec du jujubier, ce que l'on appelle en arabe sidr, avec un sin, sidr, qui va être pilé et qui va être mélangé à de l'eau jusqu'à donner de la mousse. Avec cette mousse, on va laver les cheveux et la barbe. Ça fait donc ici office, on va dire, de shampoing. Puis, le reste du corps avec le restant du jujubier. Car il faut savoir que le jujubier, il a un fort pouvoir lavant. Ensuite, on procède à un autre lavage, cette fois-ci avec du camphre. Ce que l'on appelle en arabe, al-kafour. Qui a pour profit de raffermir le corps du défunt et également d'éloigner les bestioles qui vont peut-être venir grignoter ou manger le corps. Également, le shir d'ajouter que si le défunt était pour une raison ou une autre très sale, il convient d'ajouter des lavages. Il n'y a pas de mal dans cela. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux femmes qui étaient chargées de laver une de ses filles, radiyallahu anhunna, lavez-la 3 ou 5 fois ou plus si vous voyez que c'est là quelque chose de nécessaire. Suite à cela, on sèche le corps du défunt et on l'introduit dans son linceul. Voici donc en résumé la description authentique du lavage du mort mentionné ici par le shir Ibn al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين